vanité des vanités, et tout est vanité. Parole céleste. Raï frère ou axeur, qui saute nan même zatraï avec ou, pour t'être bien héritier, ou cause famille en divisée, si ou gagnon tête fait mal, c'est yo pral mène ou l'hôpital, depuis ou gagnon santé, chaque jour doué dit merci bon Dieu, si ou vle famille ou gagnon unité. Pas quitter, non.